J'ai vers une autre attitude, mais tout se titube. Et chute sur les communes, latitude atrocifiée. À la fois au trophée, on pense à l'avoir trouvé. Mais c'est pas l'atrophié, se remet à nous bouffer au fond. S'empare de nos tripes et de nos troufions. Enfonce son pion dans nos raisons pour en faire des moignons. Un opinion, tout pas le premier qui vend ses opinions. Après dans le vide-grenier, pas prisonnier, plus de deniers. Le poisson pané, trop léger, j'en y mélange. Jamais les torchons, ils s'invitent dans le même panier. Et s'ingénue à dire quatre fois de suite les mots pion au panier. Et pas frais comme le macro, t'as saisi. Suite saisi aussi, et si pas l'euthanasie. Tu fais voir tes dimanches gris comme un uniforme de nazi. Tu t'extasies devant lui, de l'Asie jusqu'au Missouri. Nice, puis souris sur ta décrépitude. En fin de semaine, comme d'habitude, c'est dur de ne pas darder tout un jour durant. Pourtant, devant la console, étendue sur le divan, c'est divin. Des fois, quand t'es devant un bon résident, mais quand le mal t'obsède, ça devient décevant. En descente, tu décèles une peur pesante. Tu sens son pied droit appuyé contre ton estomac. Tu restes stoïque, pourtant la boule de nerf psychologique se propage dans ton être à des proportions mystiques. Tu sens la sueur couler sur ton front. Cette nuit, tu seras seul avec cet étron. Thank you.